19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. C'est une très belle histoire qui, depuis mardi, tourne dans toutes les rédactions de la planète. Reprise par Le Monde, elle s'est diffusée en Angleterre avec le Guardian, The Independent, la BBC pour atteindre CNN aux États-Unis, enfin la Chine. L'histoire est pourtant toute française, celle de chercheurs de l'INRAP de l'Université de Bretagne Occidentale du CNRS qui viennent de la publier dans le bulletin de la Société préhistorique française. Pourquoi donc un tel succès mondial? Sûrement parce qu'il s'agit d'une aventure à la croisée de la science, de l'histoire, du patrimoine, parce que les chercheurs tiennent aussi du Champollion, parce qu'ils ont compris qu'une vieille dalle de schiste gris-bleu, issue de la lande bretonne et perdue au fin fond d'une cave d'un musée, n'était autre que la première carte jamais réalisée en Europe, la première carte en relief, vieille de 4000 ans. Ce soir, les deux premiers auteurs, les découvreurs, sont en direct et en ligne de leur Finistère, le bout du monde, là où commence l'Europe, si l'on préfère, pour nous conter leurs travaux, leurs questionnements, leurs résultats. Et le magazine d'archéologie de France Culture est très heureux d'accueillir Ivan Payet, Clément Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Chercheur à l'INRAP, Ivan Payet, vous êtes titulaire de la chaire Armerie à l'Université de Bretagne Occidentale et l'Institut Universitaire Européen de la Mer à Brest. Vous êtes surtout l'initiateur de ce projet. Jeune docteur, Clément Nicolas, vous êtes désormais postdoc à l'Université de Bournemouth au travers d'une belle bourse Marie Curie et on vous souhaite surtout un bel avenir dans une de nos grandes institutions de recherche. Clément Nicolas, tout commence en 1900 avec un féru d'histoire, un grand préhistorien breton, Paul du Châtelier, qui a repéré deux tumulus sur la commune de Lehen. Que se passe-t-il alors? Des deux tumulus, il choisit de fouiller le plus grand, qui mesure 40 mètres de diamètre, 2 mètres de hauteur. Et comme à son habitude, il va pratiquer une fouille en puits depuis le centre du tumulus pour arriver sur la tombe centrale. Une tombe monumentale qui mesure près de 4 mètres de longueur, 2 mètres de hauteur et 2 mètres de largeur. C'est lui qui fouille? Oui, c'est lui qui fouille en compagnie du chanoine Abgral et de quelques paysans recrutés à l'occasion. Ce tumulus, il est de quelle époque? Il date de l'âge du bronze ancien, donc on se trouve entre 2100 et 1600 avant notre ère. Il ouvre la chambre, qu'est-ce que l'on a à l'intérieur? Alors on y trouve un grand coffre, donc comme vient de le dire Clément, coffre en pierre sèche, avec à chacune de ses extrémités deux grosses dalles mégalithiques qui forment les petits côtés, l'une est en quartz et l'autre est en schiste. Et là tout de suite, il repère que sur celle en schiste se trouve tout un ensemble de gravures, de symboles représentés. Et donc il voit bien qu'il y a un intérêt puisque ce sont des gravures assez inédites pour l'époque et pour la Bretagne. Et il va découvrir également dans la tombe un vase biconique décoré de chevrons typique de la culture des tumulus armoricains. Ce schiste gris-bleu, il est local ou tout à fait exogène? Oui, il est tout à fait local. Il vient d'une veine qui a été repérée par les géologues qui se trouve à quelques centaines de mètres. Pour vous, elle serait sans aucun doute plus ancienne que le tumulus lui-même. Il s'agirait alors réellement de ce que l'on appelle un réemploi. Oui, tout à fait. La dalle a été légèrement brisée. Il manque quelques morceaux que lorsqu'elle a été mise en terre dans le caveau. Elle n'est pas complète. En plus, elle a été masquée lors de la mise dans le caveau par les murets en pierre sèche. Donc, il y a une partie des gravures qui n'est pas visible depuis l'intérieur. Donc, on a bien affaire à quelque chose, un élément en réemploi. Par ailleurs, les gravures, alors en réemploi, on aurait pu se poser la question qu'elles puissent être de l'époque mégalithique, comme c'est souvent, enfin de la période du néolithique moyen plutôt, comme c'est souvent le cas dans le cadre de ces tombes de l'âge du bronze ancien. Et en fait, justement, les motifs représentés ne collent pas du tout avec l'art mégalithique tel que l'a très très bien étudié Serge Cassène ces dernières années. L'âge du bronze ancien, c'est quoi, le deuxième millénaire? Oui, ça commence à la fin du troisième, exactement. On s'accorde maintenant à le faire débuter avec le campaniforme, et donc plutôt vers 2500, mais la culture des tumulus armoricains commencerait plutôt vers autour de 2100 avant Jésus-Christ. Cette dalle, comment pourrait-on la décrire? Elle est très très grosse, visiblement. C'est une dalle qui mesure 2,20 m de longueur, 1,50 m de largeur pour une quinzaine de centimètres d'épaisseur. Elle devrait peser entre 1 à 2 tonnes. Et donc, elle est complètement couverte de gravures, donc avec des motifs répétés de cercles, de carrés, de cupules ovales ou généralement rondes. Et l'ensemble de ces signes, en fait, sont reliés par un réseau de lignes piquetées. Aujourd'hui, les deux tumulus de Saint-Bélec à Lehan ont totalement disparu, visiblement? Pas tout à fait. Alors, on peut encore bien les voir en photographie aérienne, parce que à l'âge du bronze ancien, pour édifier le tumulus, ils ont ramené des terres. Donc, ils vont se distinguer des terres environnantes. Donc, ils apparaissent sous forme de taches claires, circulaires, généralement après les labours. Et sur le terrain, quand on est allé le voir, on peut encore observer de légères dénivellations de terrain. Donc, les buttes mesurent encore entre 50 et 60 cm de hauteur. Le toponyme a du sens aussi, le toponyme en breton, semble-t-il. Oui, alors, Bélec, hein, c'est le prêtre. Alors ça, il faudrait peut-être mener des études de linguistique un peu plus poussées. Au 19e, ça a beaucoup excité l'imaginaire, parce que on supposait que Bélec correspondait à un mot celte et que ça serait pas le prêtre, mais le druide. Mais bon, ça, c'est tout à fait de l'ordre de l'hypothèse. Mais on n'a pas un toponyme qui dit les deux collines, les deux tumulus? Alors après, la parcelle où se trouvent les deux tumulus s'appelle la prairie des Buttes, ça c'est sûr. Donc peut-être des tumulus. Est-ce que le second a été fouillé par du Châtelier? À notre connaissance, pas du tout. Du Châtelier, c'est le grand préhistorien de la Bretagne, durant la seconde moitié du 19e siècle, et il fait transporter la dalle jusqu'à son musée personnel de Pont-l'Abbé. Oui, en 1900, ben, juste après la fouille, en 1900, il extrait la dalle du caveau et la fait acheminer jusqu'au château de Carnuse à Pont-l'Abbé, où elle restera jusqu'à sa mort et puis même après, jusqu'à la vente en fait de sa collection par son fils au musée d'Antiquité nationale, qui deviendra le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Et donc, en 1924, sa collection rentre dans les collections du Man. Et la collection du Châtelier, c'est une collection importante en Bretagne? Oui, c'est certainement pour la Bretagne, c'est certainement la plus importante collection pour la préhistoire, oui, certainement. Du Châtelier, il est spécialisé sur quoi? Le néolithique, l'âge du bronze, ce genre les périodes anciennes? Ouais, plutôt. Ouais. C'est vraiment les monuments qu'il a le plus fouillés. Ce sont des monuments mégalithiques et de l'âge du bronze. Même s'il a quand même fouillé quelques sites de l'âge du fer également. Ouais. Je crois que près de Concarneau, il a aussi fouillé une motte féodale qu'il a dû prendre pour un tumulus. Ouais, c'est arrivé. Ouais, tout à fait. Comme quoi. Comment transporte-t-il cette dalle sur le terrain? Alors, il nous raconte l'extraction de la dalle, donc. Ils ont utilisé des moyens préhistoriques, entre guillemets. Donc, ils ont aménagé une rampe, utilisé des rondins. Il a fallu pas moins d'une quinzaine de personnes pour l'extraire de la tombe. Après, comment elle est arrivée de Lehan à Pont-l'Abbé, ça, on n'a aucune idée. Dans ses écrits, du Châtelier s'interroge sur ces curieux signes figurant sur cette dalle. Il a même une très, très belle phrase. Vous la connaissez? Oui, donc c'est décrire ce curieux monument avec ses cupules, ses cercles et ses diverses figurations gravées, dans lesquelles certains voient une représentation humaine, informe et celle d'une bête, est chose difficile. Ne nous laissons pas égarer par la fantaisie, laissons le soin à Champollion, qui se trouvera peut-être un jour, de nous en donner la lecture. C'est assez beau. Oui, C'est prémonitoire, presque. oui, on n'en attendait pas tant, mais oui, c'est quelque chose qui nous a un peu inspiré lorsqu'on a fait ces recherches et en même temps qui résumait tout à fait la perplexité qu'on a pu avoir au début et surtout la perplexité des collègues quand on leur présentait la dalle et notre interprétation. Où les archives écrites du Châtelier sont-elles conservées aujourd'hui? Oui, tout est conservé aux archives départementales du Finistère. Vous les avez épluchées? Oui, bien sûr. Tout ce qui concerne, pas la totalité, hein, c'est monumental, ça serait pas le travail d'une vie, mais en tout cas, ce serait plusieurs thèses. Mais on a consulté tout ce qui concernait le Han, oui. Et il prend des notes sur le terrain, il laisse des témoignages? Oui, généralement, Paul du Châtelier a pas mal de carnets de terrain. Donc, en fait, il a pour chaque mission, enfin, il a des carnets par année, globalement. Donc, à chaque coup qu'il va sur le terrain, il fait des relevés, des croquis. Il dessine beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui a été formé aux beaux-arts. Donc, il a un bon coup de crayon. Il fait aussi des belles aquarelles, des beaux dessins d'art, on va dire. Et il photographie beaucoup. C'est peut-être pas. C'est un des pionniers aussi de l'utilisation de la photographie. Donc on a pas mal de belles plaques photos et de très belles photographies qu'il a réalisées de monuments mégalithiques. C'est intéressant d'ailleurs parce que on est dans des à une période où en fait toutes les landes ou les dunes sont complètement cultivées ou mises en pâture. Et donc, on se retrouve dans des environnements qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, y aurait tout un travail là aussi à mener sur ces plaques photographiques. Et puis, ces mégalithes ont en grande partie disparu aussi, Ouais, tout de à fait. Seconde Guerre mondiale, etc. Ouais, la Seconde Guerre mondiale est pour certains, je pense au grand menhir de Melun, par exemple, qui a été dynamité par les Allemands à Port-Spoder, mais également plusieurs d'entre eux qui ont été détruits par le remembrement. Et c'est certainement le plus grand massacre qui ait eu lieu, c'est entre les années 50 et 70 en Bretagne. Ouais. C'est en fouillant dans les archives que vous vous êtes aperçu de l'existence de cette dalle, Yvan Payet? En fait, Clément et moi avons réalisé nos thèses respectives à peu près 10 ans d'intervalle. Et lorsqu'on réalise une thèse, on consulte énormément de bibliographies. Et j'avais lu cet article de Paul du Châtelier, sa relation de fouille en fait du tumulus de Saint-Bélec qu'il a publié en 1901 dans le bulletin de la Société archéologique du Finistère. Et donc, il en présentait une très bonne photographie ainsi qu'un relevé un peu plus approximatif, on va dire, mais enfin qui donnait quand même une bonne idée des gravures. Et en voyant ces deux documents, je me suis dit, je me suis fait la réflexion que ça ressemblait fortement à une carte. Et en fait, 10 ans après, Clément a également consulté cet article de la même manière, il faisait sa thèse aussi, et s'est dit la même chose. Comme on se connaissait bien, on a discuté ensemble et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on travaille sur ce sujet-là, qu'on approfondisse et qu'on prenne le temps d'y réfléchir. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Du Châtelier meurt en 1911 et sa collection part pour le musée des Antiquités nationales. Un siècle plus tard, vous partez à la recherche de la fameuse dalle. Donc direction, j'imagine, Saint-Germain-en-Laye. Alors, pas de suite parce qu'on n'avait pas idée où se trouvait la dalle. Lors de nos premières requêtes, le conservateur pensait qu'il ne l'avait pas du tout dans ses murs. Mais alors, ce qui a commencé à nous mettre sur la piste, c'est quand on est allé sur le tumulus de Saint-Bélec, on a rencontré l'un des anciens agriculteurs qui travaillait la parcelle et qui nous disait que la dalle se trouvait quelque part à Villacoublay. Et alors, avec Ivan, on a compris tout de suite que c'était Saint-Germain-en-Laye, mais hein, c'était pas suffisant. Et il a fallu en fait qu'on retrouve une note sur un article de Renan Paulès qui, en fait, dans les années 90, étudie une autre dalle gravée de la collection du Châtelier qu'il retrouve dans l'une des niches des douves du château. Et il mentionne sans le savoir la dalle de Saint-Bélec, mais en fait l'identifie comme provenant d'un cairn, celui de Butener A sur l'île de Groix. Et, sauf que en fait toutes les dalles gravées de ce cairn ont été réenterrées par Louis Le Pontois qui a fait la fouille. Et un conservateur en fait rattrape cette méprise, annote l'exemplaire de l'article conservé au musée en disant bah, cette dalle provient de Butener A pardon, mais de Saint-Bélec. Et donc à partir de ce moment-là, donc avec Alain Ville, le conservateur, on va faire tous les endroits possibles dans le musée de Saint-Germain-en-Laye où pourrait se trouver cette dalle. Elle a et été après, un moment sous une niche, visiblement. Voilà, elle était un moment sous une niche, mais en fait, entre-temps, elle a été déplacée dans une des caves du château, sans doute pour la mettre à l'abri des intempéries. Et après avoir fait notamment toutes les niches des douves du château et d'autres réserves, on finit par demander à un des gardiens du musée s'il n'avait pas eu idée de où elle pouvait se trouver. Et il me dit, bah, si, il y a des choses à la cave, allez voir. Et c'est là qu'on la retrouve en 2014. Comment peut-on reléguer, égarer, voire perdre une dalle d'une tonne 5 quand on est le fleuron de l'archéologie, mieux des antiquités nationales? Voici un beau sujet autour de ce que l'on appelle le recollement décennal, celui-là même qui sert à vérifier la présence des œuvres et auxquelles sont soumis tous les musées de France. Code du patrimoine oblige. Vous retrouvez donc cette fameuse dalle dans une cave qui s'appelle le caveau des nobles. Quoi qu'il en soit, Yvan Payet, votre travail alors commence dans ce milieu un peu confiné ? Oui, tout à fait. Alors une fois qu'on a repéré, remis la main sur cette dalle, en fait, il y a un problème de taille auquel on est confronté, c'est qu'en fait les dalles ont été stockées sur des armatures en bois et emballées dans du plastique, dans du cellophane, et en fait les gravures sont posées de champ contre les murs, et en fait les gravures ne sont pas accessibles. Donc il faut faire appel à une entreprise spécialisée qui vient avec une chèvre de levage pour déplacer les dalles qui sont, les deux dalles, hein, il y a celle de Minven à Tréogat et celle de Lehan qui sont l'une sur l'autre, donc pour les déplacer. Et donc une fois que cette manipulation est réalisée, on dépose la dalle de Lehan à plat dans la cave de manière à pouvoir l'étudier. Et là en fait on fait venir des collègues, notamment des géographes, qui vont venir avec des scanners 3D de haute précision qui vont permettre de relever en détail toutes les gravures. Et alors, ce que vous faites, en fait, c'est quand même de la low science, pour utiliser un anglicisme, de la science au jour le jour, une science pauvre, parce que vous n'avez pas beaucoup de moyens, et puis du coup un peu plus lente. Tout à fait. En fait, quand on a commencé à travailler, on n'avait que notre bonne volonté, et puis heureusement que les conservatrices du MAN nous ont ouvert les portes aussi avec gentillesse. Et ça nous a permis, voilà, de ensuite, une fois qu'on a eu retrouvé les dalles et qu'on a montré, qu'on a commencé à présenter à quelques collègues, notamment Stéphane Blanchet de l'INRAP qui dirigeait un PCR sur l'âge du bronze, on a pu avoir quelques petites subsides qui nous ont permis de réaliser justement le déplacement de la dalle. Et puis ensuite, les collègues géographes, eux, Vincent Lacombe, l'ont fait complètement bénévolement. Donc, ont mis leur outillage très performant à disposition gratuitement. Comment décrire les gravures de cette dalle ? Les signes semblent s'organiser entre eux. Ça, c'est très important. C'est ça. Donc, on a une répétition de motifs, hein. Donc des cercles, des carrés, des cupules rondes ou ovales, et l'ensemble rejoint par des lignes, et de manière assez orthonormée, hein, on a deux axes, l'un horizontal, l'un vertical, qui découpent la composition en quatre quarts. On a un motif central profondément gravé au milieu, et on a également aussi toute une partie de la dalle qui a été travaillée en bas-relief. Sans doute pour représenter le paysage environnant. Donc, plusieurs techniques, de la gravure, du piquetage, carrément des choses en relief. La seule chose qui vous manque à cette carte, et qui manque à cette carte plutôt, c'est la légende, la légende des signes. Alors, en fait, on a réussi, dans notre étude, à identifier certains de ces signes, et notamment, en fait, tout le réseau hydrographique qui semble correspondre. Donc là, on a fait des analyses statistiques qui montrent un degré de similarité entre les rivières que l'on supposait représenter sur la dalle et le réseau hydrographique environnant, donc notamment la rivière de l'Odé, l'Aulne, l'Isole ou le Sterler. Et comme je le disais, il y a une partie qui a été gravée en bas-relief, donc de forme triangulaire, et donc qui semble figurer la vallée de l'Odé avec au nord la ligne de crête des montagnes noires et à l'ouest le massif de l'Andudal, hein, qui a un pointement granitique qui vient fermer le paysage. Yvan Payet, Clément Nicolas, il s'agit probablement d'une carte mentale. Oui, tout à fait. Enfin, c'est la carte de personnes qui connaissaient et qui arpentaient leur territoire. Manifestement, je pense que là, on est peut-être allé un tout petit peu trop vite en besogne. C'est qu'en fait, il y a une étape qu'on a oublié de mentionner, c'est que quand on a fait le relevé de cette carte justement au scanner 3D, on a disposé de plans très précis des gravures. Et c'est là, on est allé sur le terrain. Et c'est avec ces plans en main et en voyant le paysage environnement, le tumulus, qu'on s'est dit, mais c'est bien sûr, nous avons une partie de la vallée de l'Odé qui est représentée. Et à partir de là, on a cherché aussi d'autres éléments, comme vient de le dire Clément. Et ces éléments marchaient plutôt bien, puisque les statistiques et les mathématiques ont montré qu'on n'était pas trop dans l'erreur. Justement, certains éléments représentés peuvent être surdimensionnés, puisque on est dans une carte mentale. Tout à fait. Il y a des choses que alors autant on a réussi à bien interpréter les éléments marquants topographiques ou hydrographiques, autant il y a d'autres éléments qui ressemblent par exemple à du parcellaire, pour lesquels d'un point de vue des dimensions, ça paraît complètement surdimensionné. Donc de la même manière, le symbole central, s'il s'agit par exemple d'une enceinte du même type que celle qui a été découverte à Lannion par l'INRAP il y a quelques années, paraîtrait complètement surdimensionné là aussi. Donc il y a les symboles, donc les légendes, la légende de cette carte, manifestement n'est pas à la même échelle, et c'est vrai que c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille encore dans les prochaines années. Enfin, c'est là qu'il reste un gros travail à faire. Vous avez bien sûr fait la typologie des signes, vous avez observé les signes et les liens entre ces signes. Vous avez alors tenté la géomatique, les statistiques, les mathématiques. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on a fait grâce à l'aide de Julie Pierson, on a mené des analyses statistiques pour comparer le degré de similarité entre le réseau de lignes gravé sur la dalle et le réseau hydrographique environnant. Donc là, on a obtenu des résultats statistiques de l'ordre de 80% de degré de similarité entre les deux, ce qui est déjà un très bon résultat. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez absolument utilisé tous les outils et vous comparez les signes de votre carte à d'autres représentations similaires, notamment, bien sûr, ethnographiques. On pense, bien sûr, tout de suite aux Touaregs qui font ces cartes dans le sable. Eh ben, justement, pour valider la méthode, on allait récupérer des cartes mentales, en fait, collectées par des ethnographes un peu perdus dans le désert, qui avaient besoin de s'orienter et qui ont demandé justement aux locaux de leur dresser la carte du coin. Et donc, et ce faisant, ils ont récolté ces cartes mentales. Donc auprès des Touaregs, on a récupéré également des cartes mentales de Papou. Et ces cartes mentales, on les a passées à la même moulinette statistique et on a obtenu des degrés de similarité avec l'environnement local, avec le réseau hydrographique, là encore, de l'ordre de 80%, voire même des résultats inférieurs, montrant en fait la très bonne aptitude de l'esprit humain à se représenter son espace, son territoire. Ivan Paillet, soit, il s'agit donc d'une carte, mais de quoi? D'un territoire idéal, fantasmé, ou tout au contraire, d'une réalité géographique? Bah manifestement, on a affaire à vraiment un territoire qui a existé, donc un territoire qui fait une trentaine de kilomètres de long sur une vingtaine de kilomètres de large, qui couvre une bonne partie de la vallée de l'Aude et qui va aux confins des Montagnes Noires, du côté de même au-delà de Roudoualec. Ce territoire, évidemment, fait écho au territoire des petits princes de l'âge du bronze, comme les a nommés Jacques Briard, qui sont dont on connaît une quinzaine de ces territoires pour la basse Bretagne. Et donc en fait, il y a fort à parier que ce territoire représenté correspond justement à un de ces territoires d'un de ces rois ou roitelets de l'âge du bronze ancien. Roitelet pour lequel, pour l'instant, on n'a pas la preuve de l'existence, puisque, hormis cette carte, on n'a toujours pas le tumulus princier qui correspond pour l'affirmer. La dalle de Saint-Bélec a été retrouvée en 1900 brisée. Peut-il s'agir d'un acte iconoclaste? Bien sûr, iconoclaste contre ces princes armoricains de l'âge du bronze ancien. La dalle dans le coffre était en partie brisée. En fait, toute cette partie supérieure avait été cassée. Alors, volontairement ou involontairement, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à déterminer. Mais Paul Duchâtelier récupère la plupart des fragments dans la tombe. Donc, on peut imaginer que la dalle avait été cassée à proximité du tumulus. Et donc, dans l'hypothèse d'un geste volontaire, on peut imaginer qu'il y avait toute une valeur de condamnation, de désacralisation de cette dalle. Et même si c'était involontaire, on peut imaginer que la cassure de cette dalle, de la carte d'un territoire d'un roitelet de l'âge du bronze, ait pu avoir une portée symbolique très forte. Et justement, la dalle se trouverait datée de la fin du bronze ancien et ça pourrait correspondre à la fin de ces sociétés très hiérarchisées. Dernière petite question, très rapidement. Depuis mardi, les archéologues ont pris connaissance, bien sûr, de votre découverte. Les cartes émergent d'un peu partout? Un petit peu, oui. On a eu des contacts avec des collègues italiens qui ont repéré des choses assez similaires du côté du Val Camonica. Qui nous demande un peu notre avis et qui sera assez preneur pour qu'on teste la méthode qu'on a mise en œuvre là-bas. Un autre collègue aussi irlandais qui a repris aussi une des dalles qu'on avait Ivan présentées. Payet, je vais être obligé de vous couper car l'émission se termine. Pardon. Donc, Ivan Payet, Clément, Nicolas, merci beaucoup. Je rappelle que votre article vient d'être publié dans le bulletin de la Société préhistorique française. Saluons au passage, bien sûr, Paul Duchâtelier, pionnier de l'archéologie bretonne, découvreur de cette très belle antiquité, désormais au Musée d'archéologie nationale. Signalons aussi, avec une grande tristesse, la mort d'un merveilleux musée, le Musée préhistorique finistérien à Porscarn, à Empinmar, créé en 1922 et qui, démantelé, n'a pas réussi à être centenaire. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Théo Gomard et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Jean-Jacques Hublin, professeur au Collège de France, évoquera les toutes dernières découvertes d'Homo sapiens.